Oui, je vous dis, c'est un écœurant de niveau de l'ignorance humaine. C'est une écœurant. C'est une écœurant. C'est un affront à l'intelligence, pas de l'art. C'est un affront à l'intelligence cosmique. L'ignorance de l'art. C'est un affront. Après, je vous dis que quand on change de communiquer avec tous les gens contents, vous nous avons fait. Les autres. Moi, je me rappelle avoir le contact comment que je vivais. Tu vis dans une boîte. T'as combien? Ton succès, tes enfants, ta famille, ta télévision, ta job, ton voyage au bout de l'année. Tu vis dans une boîte. Puis autour de la boîte, t'as des filets. D'où je viens? D'où je m'en vais? Je veux t'y aimer. J'ai pas eu la mort. Qu'est-ce que c'est la mort? C'est ça. Autour de la boîte, t'as des filets autour de la boîte. C'est ça l'équivalent. Ouais. C'est la limite de la raison. Pour que je puisse parler à l'homme, il faut que l'homme puisse m'écouter parler. Si les gens ne sont pas capables de l'écouter parler, je ne peux pas parler à l'homme. Parce que je ne peux pas penser l'homme à l'écouter. Ouais, je fais ça. Je ne permettrai plus que des gens retardent mon travail. Parce qu'en retardant mon travail, c'est pas moi qui retarde, moi je suis conscient, il retarde l'émission des autres. Pour que je puisse fonctionner le plus possible, pour que les gens puissent comprendre le plus possible, parce que les gens doivent comprendre le plus possible, le plus tôt possible. Je ne peux pas te donner la connaissance, je ne peux pas t'enseigner, j'ai dit c'est bon, je n'ai pas le droit de faire ça, je fonctionne pas de même. Je peux te dire, je peux te montrer comment la partie va. Il faut qu'on sache comment la chercher à connaissance. Bon, faut qu'on apprenne à vivre. Quand il vous passe une idée dans la tête qui choque un petit peu votre intellect, c'est celle-là qui va. Ou surtout qu'il passe une idée dans la tête, là, qui choque votre intellect, là, ça vous paraît impossible. C'est celle-là qui est possible. Ça, c'est une idée. Prenez-la, celle-là. Puis allez chercher l'information. Si votre ego a notre côté final. Parce qu'il passe, je vous donne un exemple, là, parce que fou, je donne des exemples. Soit on vient d'être en chaîne, vous buvez votre café, puis ça vous dit dans votre tête, vous pensez que ça vous dit dans votre tête, vous pensez à ça. Que. L'homme, c'est pas une créature de Dieu. Là, votre ego va jouer. Là. C'est là, là. Qu'il faut que vous la preniez, cette idée-là, parce qu'elle vient de l'autre en haut pour vous faire comprendre de l'autre. Là, le canal est ouvert, essayez de vous en servir. Il faut. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, ils vont dire, c'est ça. Là, habituez-vous à aller chercher de la connaissance quand ils font passer un petit filet de la vie. Là, vous allez devenir ça.

Le Christ est une âme universelle qui contient tous les attributs de tous les âmes qui ont détruit la mort. Quand t'as pas de mots, dit Stephen. Quand t'as pas de la forme, tu serais accroché au monde des esprits, justement, tu vas la bouche. Et si tu vas pas dans le monde des esprits, il faut que tu aies un corps, tu vas nulle part, tu m'appelles automatiquement, aussitôt que toi as changé de plan parce que tu as fini ton travail, tu t'en vas dans des mondes temporels, au lieu d'aller dans des mondes parallèles. Et les mondes temporels sont des mondes où l'homme se véhicule dans l'espace du temps, au lieu d'être dans des mondes parallèles où les esprits sortent du temps. C'est la différence entre les morts et les éternels. C'est ce qui fait que les esprits ont une forme de jalousie envers. Les esprits sont jaloux envers l'homme, définitivement. Ok, il me dit que ça, écoute, j'avais ça là. Il dit que les esprits sont tellement jaloux envers l'homme que c'est pourquoi il existe le mensonge classique. C'est pourquoi il est content et il est bourré aussi. C'est pour ça que les gens sont envoyés dans l'obscurité de l'esprit. C'est ça. En tant qu'ils laissent dans ces formes-là, les gens ne peuvent pas avancer. C'est là que tu alors, c'est bien dit. Les esprits sont jaloux des hommes. Les hommes, quand je dis, oui, je dis au monde, l'homme, c'est pas naturel de mourir. Les gens en rient. Parce que c'est pas naturel de mourir, d'aller dans la terre. On doit transmuter le corps éventuellement. Par exemple, on s'en va. Mais il faut qu'on comprenne absolument ce qui est en dehors du temps. Pour comprendre absolument ce qui est en dehors du temps, on est obligé de détruire les corps. Alors, les gens qui sont prêts à avancer dans la destruction des formes, puis aller au-delà de leurs émotions, puis aller au-delà de leurs sentiments, aller au-delà de leurs sentiments spirituels, automatiquement, ils rentrent dans cette énergie-là. Puis ceux qui ne sont pas capables, ils restent. Ils sont obligés de mourir. C'est pour ça qu'il en vient toujours à nous autres la capacité de nous immortaliser. Ça n'a rien à faire avec eux autres parce que d'autres sont limités. Ils ne peuvent pas nous faire ça autant à date. Ils connaissent nos dimensions. Alors, ça en revient à nous autres. Et plus notre esprit est capable de se soustraire des formes dont se sert l'ego pour se sécuriser, plus notre esprit devient puissant. Puis à ce moment-là, une fois que notre esprit est puissant, on n'a plus besoin de l'ego. C'est ça, c'est qu'à ce moment-là, quand tu as une idée que moi je suis pas dans ta tête et que tu prends l'habitude d'arrêter ça, je n'accepte pas ça. C'est là que tu rentres dans une autre forme d'énergie et tu vas comprendre. C'est ça. C'est ça. Il dit quand notre esprit. Ça, c'est bien important, à 12 ans. Il dit quand notre esprit est puissant, on n'a plus besoin d'ego. Parce que l'ego, c'est le support de l'esprit. C'est pas ça que l'esprit compte. C'est pour ça que l'ego travaille. Quand l'esprit est puissant, là, à ce moment-là, on n'a plus besoin d'ego. C'est pour ça qu'à ce moment-là, ton ego, tu sens pas. Tu peux pas te situer dans ton ego. Tu peux pas. C'est un bien. Parce que là, tu fonctionnes en relation avec ton esprit. Oh, il dit planète. Il dit que l'esprit de l'homme, c'est la transformation parfaite de l'ego. Plus l'ego se transforme, plus ça devient de l'esprit. C'est quand que l'homme est dans l'esprit de l'homme que l'homme devient créateur. Puis tant que l'homme n'est pas dans l'esprit de l'homme, il est une créature. C'est pour ça que l'ego est la manifestation de la création de l'homme. Comment qu'on dit, tel tu meurs, tel que tu es de l'autre côté, parce que l'ego. Exactement, l'ego se continue d'autre part. C'est ça. Ouais, ça, je l'aime bien, celle-là. Ça paraît pas que je le dis, ça. Vous en avez fait plus? c'est pas la même petite terre. Il n'y a qu'une petite terre de l'eau, là-bas. Ça, il dit, c'est bien important de comprendre ça, parce qu'il dit ça, c'est de la nouvelle instruction qu'on reçoit, que quand l'ego est totalement transmuté, il devient de l'esprit. Puis de l'esprit, ça ne se détruit pas, ça ne se tue pas, ça ne se ment pas, ça ne se détériore pas, parce que de l'esprit, ça fait partie du grand esprit qui devient. Fait que plus l'ego se transmute, plus on devient esprit. C'est ça, dans cette image de l'âme, on dira que l'homme, il est esprit. C'est pas de l'ancienne. C'est pour ça qu'on s'entend, c'est d'éliminer cet ego-là. C'est ça. C'est bon. L'ego, c'est la caricature de l'esprit. C'est le masque de l'esprit. Là, il dit qu'elle a permis d'employer le mot esprit. Il faut que le masque soit détruit. C'est ça. Parce que quand le masque de l'ego est détruit, quand le masque de l'esprit est détruit, à ce moment-là, l'homme est dans la puissance de la lumière. Parce que l'esprit de l'homme et l'esprit universel, c'est la même chose. Seulement, l'esprit universel, c'est fait de la perfection de l'infinité, tandis que l'homme est fait de l'infinité de la perfection. C'est la différence entre les deux esprits. Ce sont toutes des différences quantitatives et volumineuses. Oui, mais c'est de la même matière quand même. C'est de la même matière. C'est de la même matière. Ça ne manque pas. Parce qu'un homme qui est rendu dans son esprit peut commander la matière, puisque la matière est faite de l'esprit. Comment on en est pas? La matière est obéie. C'est ça qui se passe avec les extraterrestres. Les extraterrestres, quand vous êtes parti du 4,5 millions, ils sont mis sur la planète Terre, ça veut dire en deux semaines. Ils se promènent dans les terres ici, puis ils nous voient. Ils nous voient, ils nous voient pas. Mais il dit que c'est une information très importante sur que l'ego, quand l'ego est transmuté, l'homme devient dans l'esprit. L'homme développe son esprit. C'est dans l'esprit de l'homme qui est le pouvoir et non dans l'ego. Oui. Si vous ne renaissez dans l'esprit, vous ne vivrez pas. C'est ça. OK. Renaître dans l'esprit. Exactement. Bien dit. Bien, c'est ce qu'il disait. Il faut qu'on rentre, qu'il dit. La comprendre, ce qu'il dit. Sans ça, on tombe dans les formes spirituelles, parce que notre ego va être devenu ce qu'il fait à sa façon. Mais à ce moment-là, les gens ne comprenaient pas, mais là, on commence à comprendre. On commence à comprendre. Je viens d'en faire un temps, depuis que je t'ai connu, mon travail, il change de semaine en semaine. Puis, je me rends compte que le gros point de notre jeune, c'était de flancher ses égouts. C'est là, tu disais, quand tu commences à changer les vibrations d'une personne, tu t'en occupes jusqu'au bout. Je te disais, tu vas faire la job. C'est ça, parodier, moi, sauter. Ouais, mais c'est une façon de parler quand je parle de même. Quand je parle de même, ce que je dis, c'est que si tu commences à te lier avec une personne, vibratoirement, au niveau de ton esprit et du sien, c'est évident qu'éventuellement, il va s'établir un lien vibratoire avec en plus cette personne-là. Mm. Ben, c'est dans ce sens-là. Mais tu ne comprends pas tes. Implique-toi pas où tu auras l'affaire. Au niveau de ton ego. Si tu t'inscris dans l'esprit, c'est une autre chose. Mais oui. Là, moi, je t'inscris avec vous autres dans l'esprit, mais c'est pas au niveau de mon ego. Comme ça, je ne me vide pas. Mais si je m'inscris à nouveau, mon ego, je me vide. C'est ton information passe au niveau de ton esprit. Mais c'est au niveau de l'esprit. C'est pareil. Oui. Si son information passe au niveau de ton esprit, là, il n'y a plus à faire aux gens. En somme, les gens s'arrangent avec ce qui leur passe. C'est ça. Le travail, c'est après tout, c'est commande de. C'est ça. Et du moment que vous n'inscrivez pas en ego, inscrivez-vous en esprit. Puis en esprit, vous devez faire, vous allez savoir quand vous inscrivez, quand pas vous inscrivez. Si en ego, vous serez à faire parce que l'ego, ça n'arrête pas. Ça fait trop d'overtime. Il te le dit dans son œil. C'est ça. Ils vont te le dire. Mais c'est lui quoi. C'est ça, quand je vous dis quelque chose, puis vous ne comprenez pas ce qui se passe, mais ramenez les moyens pour que je le mette à point. Sans ça, ça nous crée des tensions. Moi, je trouve ça difficile, des fois, de. Mine, tu n'es pas de mauvais politique, ma soeur. C'est difficile de situer l'ego par rapport à l'esprit, parce que il y a quelques années, le contact que j'avais, il était clair, c'était ça clair comme de l'eau de roche. Oui, parce que tu as quelques années, le contact devait spiritualiser ton ego. C'est pour ça que le contact était clair. Ça faisait partie de la transformation des corps. Il fallait que la spiritualisation se fasse. Donc, le contact a spiritualisé ton ego. Mais à cette heure que l'ego est assez spiritualisé, il faut que le contact le déspiritualise. Puis le contact déspiritualise l'ego en se retirant. Parce que des fois, j'ai l'impression d'être trois.